Voix 2, Guédenibo, plutôt des femmes médiums. Vin danse, oui, vini danse, oi, vin danse, oui, banda, Guédenibo. Vin danse, oui, vini danse, oi, vin danse, oui, banda, Guédenibo. Chanter, si vin danser au Guédenibo. S'il veut venir danser, s'il veut venir chanter, si vin danser au Guédenibo. Oui, vini danse, oi, vin danse, oui, banda, Guédenibo. Vin danse, oui, vini danse, oi, vin danse, oui, banda, Guédenibo. S'il veut venir danser, s'il veut venir chanter, si vin danse, oh, Guédenibo. S'il veut venir danser, s'il veut venir chanter, si vin danse, oh, Guédenibo. S'il veut venir danser, s'il veut venir chanter, si vin danse, oh, Guédenibo. S'il veut venir danser, s'il veut venir chanter, si vin danse, oh, Guédenibo. Oui, oui.